Tu peux dire rien avec beaucoup plus de phrases. Voilà, je vais le trouver dans pas longtemps. je vais revenir donc sur des choses plus essentielles puisqu'il y avait le match Clermont-Nantes, hein, cher à Johnny Hallyday. Donc ils ont les tribunes qui ne sont pas face aux caméras de télévision. J'ai envie de vous dire franchement, si t'étais supporter de Clermont, est-ce que t'aimerais vraiment passer à la télé? Est-ce que t'aimerais vraiment te faire griller en train d'aller un lundi soir voir ce match pourri Clermont-Nantes? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la tribune en face. T'as envie, t'as un peu de dignité. Merde. Non mais c'est vrai, comprenez-les les mecs. Et puis pour notre correspondant, comment s'appelle-t-il déjà? Julien Tellier, il t'écoute. Julien Tellier, alors on t'embrasse. Ça n'est pas Gapke, hein, c'est Gagpé. Gagpé, on se fait comme un gag et un P. C'est hyper facile à se rappeler, il y a un moyen mémotechnique très simple pour quelqu'un comme toi. Gagpé. Donc Julien, on l'a perdu, bon, c'est pas grave. Alors les verts, je vais revenir sur ce que nous disait l'auditeur tout à l'heure. Finalement, vous n'avez pas relevé qu'il a dit quelque chose de très important. Il a dit Saint-Étienne et Lyon, tout remonte à la guerre des Gaules. Ben, on voit, puisque même entre Ruffier et l'autre con, ça marche pas. C'est la guerre des Gaules. Sauf que bon, ben, ils ont encore perdu. Là, ils ont dit qu'ils pensaient pour une fois qu'ils avaient le meilleur goal des deux. Et ben ils l'ont pas eu, quoi. Et Ruffier la Ferrari. Enfin, à mon avis, il devait peut-être penser à Lolo Ferrari. À mon avis, il comparait à Lolo Ferrari parce que moi, j'ai vu personnellement, j'ai pas vu de Ferrari, tu vois. Non, ils ont raté. Tu vois, j'ai dit un truc. Les Verts, ils ont raté quelques occasions, hein, mais ils ont surtout raté une belle occasion de la fermer, comme d'habitude. Et c'est peut-être le seul problème. Alors, le problème de la Ferrari, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que la Ferrari, elle a un peu surchauffé avant. Et ça, c'est pas très bon. Avant la course, faut pas faire trop chauffer le moteur, parce que sinon, ça serre. Et pourtant, il a mis de l'huile. Mais j'ai envie de lui dire, mets de l'huile dans le moteur, mais pas sur les gants, mon petit Ruffier. Et c'est ça ton petit problème. Je voudrais quand même juste dire un petit conseil aussi à Romeyer. Il y a un proverbe qui dit. Il faut remuer 7 fois sa langue sur sa bouche avant de parler. Je pense qu'il ferait bien de s'en inspirer. Et vous savez, dimanche, c'est marrant parce que c'était le grand match, hein, le grand derby sur Canal+. Et moi, quand j'étais gamin, c'est drôle parce que moi, quand j'étais petit, je regardais un peu ces matchs à la télé. Et je me disais, quand 21h allait arriver, ben, ça devenait encrypté. J'avais pas Canal, j'avais pas d'argent. Et tu sais, tous ceux qui avaient pas Canal, ils espéraient que ça tienne longtemps. Tu sais, qu'on voit pas, et que le mec, il crypte pas l'image. Et alors, ça marchait une passe, deux passes, et clac, ça redevenait le bruit du cryptage. Et là, tu vois, maintenant, j'ai tous les abonnements, je gagne ma vie, j'ai grandi. Et quand je regarde le match de Canal et qu'il arrive 21h, et ben, je pense à tous ces gamins qui ont pas Canal et qui vont encrypter. Et je les envie. C'est con, hein. C'est le sanctuaire de Julien Cazard, juste avant 23h. Julien, bonsoir. Fais pas trop, j'ai pas les moyens de te payer pour dire ça, Gilbert. bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais revenir sur deux, trois petites choses. Gilbert, oui. Tout à l'heure, Daniel a fait un petit peu Marty McFly. Il nous a sorti un truc assez flippant. Marty McFly, ouais, c'est-à-dire Retour vers le futur. Est-ce qu'on peut écouter cette phrase? Et Biff Tannen. Ouais. Il ira à Rouen, club de national. Comme d'hab, à chaque fois. Voilà. Donc, il parlait de pas quelle équipe, mais qui disait que l'année prochaine, ils ont déjà été très bons. C'est-à-dire que Daniel. Il sait même pire que ça, il a dit après l'année prochaine. Ouais, c'est vrai, comme Bourcuff avec les installations. Voilà, c'est ça. Donc, on a du mal un peu à trouver, mais enfin bon, c'est peut-être de ton côté un petit peu Madame Irma, tu vois les choses avant les autres. Landreau, il est génial parce que Landreau, vous avez parlé de Landreau qui a tenté un coup de Jarnac. Landreau, il est mythique parce qu'il a dû aller voir son poste. Il dit attention, moi si vous m'emmerdez, je me tire. Hein. Ah ben je me tire. Attention. Là j'ai ouvert la porte là. Ah non mais là je vais la fermer là. Ah là ça y est, j'ai fermé la porte là. Je suis parti. Et voilà. Eh ben, je suis plus là. Eh ben, je suis plus là. Voilà. Eh ben, je suis parti. Voilà. Mais pas, on est d'accord. Non, vas-y. Bonne soirée, hein. Tu feras la bise à tout le monde. Donc voilà, ça a pas marché, hein. C'est bien tenté. Il y a des mecs qui ont des augmentations. Lui, on lui a dit, t'oublies quelque chose, par contre. Tes gants. Il me serve encore. Alors, il y a Marseille, ça c'est chaud. Hein. Marseille, les joueurs ont vidé leur sac, sauf Valbuena qui a vidé sa banane, hein, parce que ça lui fait un sac, hein, c'est pareil. Enfin, bref, il y a vraiment une ambiance pourrie. La Brune, il devrait prendre exemple sur Lyon, parce que tu vois, notamment dans la formation, tu vois, au milieu de terrain, Gonalon, Sissoko, tu vois, ils ont signé des contrats pro, ils ont signé 6 l'an dernier. Bon, Marseille, tu vas me dire, ils ont eu pas mal de contrats l'an dernier dans le milieu aussi. Mais c'est pas les mêmes contrats, si tu veux. C'est à Marseille, c'est d'autres contrats. C'est à Nigo aussi qui s'en occupe, mais en sous-main. Donc effectivement, c'est pas vraiment exactement la même gestion. La Brune, avant, il était en sous-marin. Là, le problème, c'est que c'est pas parce que t'es en sous-marin que t'es obligé de ramener l'OM sous l'eau avec toi, quoi. Tu vois, tu peux rester à peu près à niveau de flottaison, au moins pour pas avoir la ridicule. Et il y a surtout un truc qui m'a beaucoup plu. C'est Amalfitano. Je sais pas si vous avez vu Amalfitano à la fin du match. Ceux qui ont vu le match, il y a eu une interview d'un mec de Canal. Canal qui voulait lui demander, lui poser une question. Il a dit, oh non, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. L'autre dit, non, mais juste une question, non, j'ai rien à dire. Mais Morgan, il y a rien à dire. Et puis il a mis un coup dans la caméra. Vous avez vu ça, Gilbert? T'as vu, non? Mm-hmm, il a mis un coup dans la caméra. C'est vraiment, il est génial quand même. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, qu'est-ce que tu fumes, toi? Vas-y, qu'est-ce que tu. Putain, hé, les mecs! Hé, hey, y'a un gars qui fume depuis le début là, c'est quoi ce gars là? Vas-y, c'est quoi, Baltrac, t'es un indique ou quoi? Tu bosses pour les condés? Non mais c'est juste une question pour Canal. Vas-y, ferme ta gueule là. Vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Et moi les mecs qui fument, j'aime pas. Putain les gars, hé, hey, y'a des gars sur des chaises là, dans, avec des rangs là, avec des gars qui regardent depuis le début là, je sais pas ce que c'est. Eh, hey, va falloir m'expliquer là, c'est hyper chelou votre truc là. Déjà qu'on est filmé, en plus y'a des gens qui regardent et t'as un micro sur toi. Eh hey, oh, oh, c'est chaud là. Alors en fait Morgan, on a envie de te dire, c'est juste, ces gens, c'est les cons qui payent sa Canal, tout ça, Beansport, c'est les cons qui payent ton salaire à 70%, hein, et qui se demandent pourquoi à 70% du temps aussi. Et voilà, juste pour te dire que c'est normal si t'es filmé. Hein, faut, c'est une bonne idée, ça. Quand le mec répond pas, dis donc, okay, c'est moi qui paye ton salaire, donc tu réponds à la question. Mais bien sûr. Pour moi, le joueur de foot, ça, il devrait avoir interdiction de pas répondre. Et, et c'est pour ça que je voudrais terminer en me disant, je me mets à la place des supporters de l'OM, pas trop longtemps, rassurez-vous. Et, et je me dis, je vois pas de solution. Peut-être s'il y en a une pour eux en ce moment, c'est le gaz. Mais vu les prix du gaz en ce moment, c'est pas forcément non plus une solution. Encore que je vais te dire, souvent on se demande pourquoi, mais plein de gens se disent quand ils sont au bout du rouleau, qui voient plus de manière de s'en sortir, ils se disent que le seul truc qui peut les sortir de là, c'est le gaz. Eh ben c'est vrai, regarde les supporters du PSG, ils étaient au fond du trou et c'est le gaz qui les a sauvés. C'est le gaz du Qatar, peut-être. Mais c'est le gaz, alors moi je me dis, un conseil aux Marseillais, le gaz. Voilà, il n'y a rien d'autre. Mais lui, il est beau comme un homme, mais franchement, c'est un petit peu dur que Julien Cazard passe après Totti. T'aurais pu passer après tout le monde, mais après lui, c'est compliqué. Non, je passe avant en général, ce genre de mec. Il est has-been, mon vieux. Julien, pour passer avant, on va falloir t'accrocher. Hein. Mais non. Parce que c'est. Il a une vie en dehors du terrain. Hein. Non, mais tu sais, dans ce monde-là, plus t'es présomptueux, mieux ça marche. Hein, donc ça va, ça peut marcher. Ouais. Non, il est beaucoup trop humble pour moi, ce mec-là. Il peut pas tenir. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un joueur qui s'appelle Florian Marange, qui disait que peut-être, quand il voyait les matchs de Messi, est-ce qu'il n'est pas dopé? Alors moi, je vais te dire un truc, c'est marrant parce que moi, j'ai vu Florian Marange et lui, c'est sûr, il n'est pas dopé. C'est sûr. Mais c'est sûr. Le mec, il enchaîne un match tous les 100 jours et franchement, déjà, il a du mal à finir. Donc, il n'est pas dopé. Hein. Enfin, j'espère qu'il n'est pas dopé parce que sinon, faut vite retirer ça de la circulation. On a parlé du derby de Lisbonne, appelé le Bacalao. Comme on dit là-bas, très sympa petit derby. Et le Bayern, moi, ce qui m'a ennuyé par rapport à ça, Bayern, c'est que le Bayern, ils veulent pas Mourinho parce qu'il est pas dans la construction. Et je trouve pas ça très sympa. Déjà, un Portugais qui le dire qu'il est pas dans la construction. Tiens, le mec, c'est terrible, quoi. Je veux dire, c'est affreux. C'est une tradition chez eux. Tu peux pas lui dire ça, le mec. Bon, c'est, je me mets à sa place. Ça va pas être facile. Tu sais que j'ai un nouveau producteur de cette émission qui est portugais. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et, non, c'est pas vrai. On t'embrasse. C'est Rui, c'est Gilles, c'est quoi? C'est Gilles. Arsenal, alors je voulais demander à Fifi, le moindre des Açores. Est-ce que Arsenal, il pense faire podium cette année? C'est jouable ou pas? À quel podium tu penses? Celui avec Paul Vord et Claudette, hein, parce que sinon l'autre, ils n'y arriveront pas. Exactement, voilà. Ils ont 6 points de retard. Ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. Non, parce que sinon ça va être compliqué, il faut leur dire tout de suite. Balotelli, qui s'est fait critiquer beaucoup, et en même temps il est logique, parce qu'il a quitté sa femme juste après l'accouchement. Alors on se dit, ouais, ça se fait pas, mais si, un footballeur, vous remarquerez, dès qu'il a scoré, il veut un transfert. Hein. Au premier but, il veut un transfert, il s'étale dans les journaux, enfin c'est classique, quoi. Ferdinand qui s'est pris Laisse Ferdinand. Le mec a 20 ans de retard. Laisse Ferdinand, il existe encore. Qui s'est fait ouvrir l'arcade par un jet de pièces. Alors ça va, les mecs, on leur balance du poignant toute l'année. Il faut bien qu'à un moment donné, de temps en temps, ils prennent une pièce sur la tronche. C'est pas grave, tu vois, ça change des billets, quoi, c'est tout. Et Gilbert, tout à l'heure, tu disais que, à cause de ça, on devrait mettre du MMA dans le foot. Mm-hmm. T'as qu'à aller au Mans, il y a le MMA Arena, c'est ce qui est fait vrai, pour ça. C'est vrai. Qui pas très cage. Bien. Et j'aurais parlé quand même de Deviant. Et vient Tournoi Gaillard qui est venu au Parc des Princes avec des intentions assez spéciales. Hein, ils ont pris une branlée. Et les joueurs déviants, enfin quand je dis les joueurs déviants, hein, je parle pas de Barton, Balotelli, Cassano, c'est pas les joueurs déviants mentaux, hein, c'est les joueurs qui viennent déviants. Ils sont arrivés avec un super projet de jeu, très Ligue 1, c'est le 4-4-2-1. Ça arrive, le 1, c'est le gardien. Ça te dit à peu près où sont placés les mecs, hein, sur le terrain. C'est-à-dire très bas, tous derrière et on attend. Tu vois, l'attaquant déviant, le plus avancé, c'est Sagbo, hein. Toujours à l'affût, aux alentours de la surface. Bon, le problème, c'est que c'est sa surface, hein, qui est collé à sa surface. C'est la sienne, mais bon. Et à un moment donné, d'ailleurs, il y a un de ses coéquipiers qui lui a demandé, dis-moi, c'est qui le gardien de but en face? Il a dit, je sais pas, je suis trop loin, j'arrive pas à voir d'ici. Et, alors, c'est bien comme tactique, mais le problème, c'est quand tu en prends deux. très vite. Faut changer. Et là, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller là-bas. Là-bas au loin, tout loin. Là-bas, dans le camp adverse. Oh là là! Et là, c'est toi, ça là-bas, dans le noir. Hein? Ouais, c'est. Il y a du vent. Et le problème, c'est que pour aller dans la surface adverse, quand t'es vivant au long gaillard, faut y aller avec Frédéric Lopez. Quitter ses repères pour l'inconnu est forcément déstabilisant. Deux heures avant le départ, c'est l'angoisse qui semble dominer les sentiments. Les pauvres. Ils étaient perdus, là, c'était émouvant. Ils sont revenus après, ils avaient des souvenirs plein la tête et tout. Ils sont allés deux fois, tu vois, mais ils ont dit on y retournera peut-être un jour, peut-être. Non, déconnez pas, restez là où vous êtes, dans votre surface de réparation, vous êtes très bien. Et je vais revenir à du vrai foot. Messi, alors tout le monde se raconte avec Messi, il a battu le record de Gerd Müller. Pardon? Mais Falcao, il a fait encore plus fort. Falcao, il a mis un triplé alors que lui, il jouait déjà à l'époque de Gerd Müller, Falcao. T'imagines, aujourd'hui, Falcao, il doit avoir 60 ans et il met encore des buts. Et il mérite pas le respect, lui. Ah là, vous faites de la peine, tiens. Je voudrais finir avec un jeu, le grand jeu Noël RMC. Bonjour, donc le grand jeu Noël RMC. Donc on a un auditeur. Alors bonjour Jean-Luc. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Luc, qui tu choisis comme intervenant? Je choisis Eric Dimeco. Ah, une tronçonneuse multilame Husqvarna qui coupe, tranche et mince, et carie et tailla de tout ce que l'on a dans la maison. T'es content Jean-Luc? Ah ben oui, beaucoup. Un deuxième auditeur, alors nous avons Bernard. Oui, bonjour. Alors Bernard, qui tu choisis? Coach Courbis. Ah, Bernard, Coach Courbis t'offre un bracelet électronique Asio qui bip et qui s'allume quand on l'éloigne de la maison. Tu as des enfants? Ah, j'en ai deux. Eh ben voilà, ils pourront plus s'éloigner trop loin. Voilà, et un dernier cadeau. Stéphane, tu es là? Ouais. Alors Stéphane, qui tu choisis? Je choisis Jean-Michel Arquet. Ah, eh ben Jean-Michel t'offre un déambulateur à crampons antidérapant pour jouer sur terrain synthétique. Voilà, écoute, bonne soirée et à la semaine prochaine.